notre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. Non, j'irai pas. Bonjour, on est le 7 mai 2025. Il est 16h34 sur Radio Audio 89.5 FM et vous êtes bien entendu dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à partir de 16h30 pendant une heure. On est le 7 mai 2025. Je me suis peut-être trompé. Ouais, on est bien en 2025. On est le 7 mai 2025. Demain, ce sera donc le 8 mai. Et une multitude d'États célébrera la date du 8 mai 1945 comme le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En France, par exemple, on célébrera donc la philosophe France Gall qui un jour a dit « Résiste, bats-toi, signe et persiste ». En Russie, on célébrera la victoire de la Grande Guerre patriotique, la guerre antifasciste. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait que la France et la Russie soient pas dans le même camp. Il semblerait qu'on ne sache plus bien ce qu'est le fascisme alors que toute l'Europe se pare progressivement de gouvernements d'extrême droite. La même France Gall a dit un jour « Le temps a rendu le monde petit ». Bon, c'était dans une chanson d'amour, mais qui sait, peut-être faisait-elle une dédicace secrète à Gunther Anders, un philosophe qui, depuis l'invention démocratique de la bombe atomique, déclarait que, désormais, tout point du globe, dans l'espace et dans le temps, vit sous la menace nucléaire. On pourrait citer en forme de dédicace secrète aussi à un copain, même à plusieurs copains, ce texte de 1945 qui a été écrit le 17 août 1945 par Georges Hénin. L'opinion mondiale s'était, il y a 10 ans, dressée frémissante pour protester contre l'usage de l'hypérite par les aviateurs fascistes lâchés sur l'Éthiopie. Le bombardement du village de Guernica, rasé au sol par les escadrilles allemandes en Espagne, a suffi à mobiliser dans un monde encore fier de sa liberté des millions de consciences justes. Quand Londres, à son tour, fut mutilée par les bombes fascistes, on sut de quel côté de l'incendie se situaient les valeurs à défendre. Puis l'on nous apprit que Hambourg brûlait du même feu que Londres. L'on nous instruisit des bienfaits d'une nouvelle technique de bombardement appelée « bombardement par saturation ». À la faveur de laquelle d'immenses zones urbaines étaient promises à un nivellement inéluctable. Ces pratiques, perfectionnées, ces suprêmes raffinements, dans le meurtre, n'avait rien qui pût rehausser la cause de la liberté, le parti de l'humain. Nous étions plus que quelques-uns, ici, en Grande-Bretagne, en Amérique, à les tenir pour aussi détestables que les diverses formes de supplice mises au point par les nazis. Un jour, c'était une ville entière qui était nettoyée par un raid de terreur. Le lendemain, une gare où s'entassaient des milliers de réfugiés et grâce à un superviseur scientifique criblé à mort. Ces jeux inhumains apparaissent soudain dérisoires maintenant que la bombe atomique a pris service et que des bombardiers démocratiques en essayent les vertus à même le peuple japonais. Qu'importe en effet l'assassinat prémédité de quelques dizaines, de quelques centaines de milliers de civils japonais, chacun sait que les Japonais sont des jeunes et par surcroît d'impudence, de méchants jeunes. Dans la continuité du texte de Georges Hénin, on se rappellera les bombardements de Brest dans les années 40, les bombardements démocratiques, et plus proche de chez nous, le bombardement du 26 mai 1944 sur Saint-Étienne, qui a eu fait son lot de victimes aussi, le 26 mai 1944 par des bombes alliées. C'était très probablement un bombardement démocratique aussi. Et ça fait 80 ans. Et puisque les 80 ans de progrès sans merci ont rendu le monde petit, et parce qu'on a déjà parlé des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, à Sétif, Guelma et Kerata par l'armée de De Gaulle, aujourd'hui on va parler d'actualité et d'agenda. On va prendre nos agendas parce que le mois de mai a l'air bien chargé en termes d'actualité et de lutte antimilitariste. Alors prenez vos stylos et vos agendas, on commence par cette première date, je suis tombé sur cette invitation qui nous vient de Lyon pour le vendredi 23 mai. Je vous lis le titre. Soudan et République démocratique du Congo, deux guerres de pillage génocidaires ignorées, à qui profite l'indifférence ? Deux conflits en Afrique, deux situations différentes. Deux points. Au Soudan, une guerre par procuration et une guerre contre-révolutionnaire menée contre le peuple soudanais par deux cliques militaires. En République démocratique du Congo, une agression militaire menée par le Rwanda et ses milices. Mais ces deux guerres ont de nombreuses similitudes. Pillage des ressources minières, agricoles, forestières, massacres et génocides, interventions extérieures, trafic d'armes, au profit des multinationales, de milices ou d'États. Ne laissons pas faire. Alors cette invitation, c'est une invitation à une rencontre avec Sudfa Media, un collectif franco-soudanais, qui informe et documente la révolution et la guerre actuelle au Soudan, et Génération Lumière, un autre collectif qui lutte contre la guerre de l'extractivisme en cours en RDC. C'est pour le vendredi 23 mai à 19h à l'Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e à Lyon. Ces rencontres seront suivies d'une conférence gesticulée intitulée « Palomar vend des armes ». Et dont le sous-titre est « Palomar et Zigomar, deux clowns autrefois compagnons de route se retrouvent par hasard ». Palomar est devenu marchand d'armes. Il donne une conférence sur le sujet. Zigomar, libre d'esprit, restait fidèle à ses engagements, met le foutoir dans ses convictions. En vain, ce sera une petite conférence qui durera 15 minutes et ce sera probablement suivi d'une chorale. Voilà, il y a écrit sur le tract « Bar et petite restauration ». Participation libre et c'est organisé par la coordination régionale anti-armement et militarisme de Lyon, Écran Total Lyon et la coordination anti-5G de Lyon. Voilà, donc voilà un premier rendez-vous à noter dans vos agendas, c'est à Lyon, dans le 7e, je rappelle la date, le vendredi 23 mai à 19h, Soudan et République démocratique du Congo, deux guerres de pillage génocidaire ignorées, à qui profite l'indifférence ? Vendredi 23 mai à 19h à l'Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Au sujet du Soudan, comme de n'importe quelle guerre ou sujet historique d'ailleurs, je n'ai pas la prétention ni d'être exhaustif, ni de détenir la vérité. Mais j'avais envie de parler un peu du Soudan. On avait parlé de la République démocratique du Congo il y a quelques émissions, mais la guerre est toujours en cours. Donc je ne détiens pas non plus la vérité sur le Soudan, tout comme sur n'importe quel sujet historique. Je suis même sûr de me tromper d'ailleurs. L'idée de cette émission, c'est surtout de commencer à chercher en direction de quelque chose qui pourrait s'approcher de la vérité, de tâtonner vers une meilleure compréhension en multipliant les sources et les témoignages et en les confrontant sans cesse. Donc peut-être que vous aurez plus de renseignements en vous rendant à cette rencontre justement avec des collectifs de personnes qui ont des liens avec à la fois le Soudan et d'autres personnes qui ont des liens avec la République démocratique du Congo. Il se trouve que l'actualité parle aussi du Soudan, puisque aujourd'hui, mercredi 7 mai, sort un documentaire qui s'appelle « Soudan, souviens-toi » de Hind Medeb, qui s'est rendu en fait au Soudan pendant la révolution soudanaise de fin 2018, début 2019. Voilà, et je ne l'ai pas vu ce documentaire puisqu'il sort aujourd'hui, mais a priori on y voit une foule de personnes du Soudan qui commencent la révolution, quoi. Et alors, pourquoi on parle de guerre si on parle de révolution ? Parce que on va essayer de retracer un peu très très rapidement l'histoire du Soudan. Si on se rend sur la page Wikipédia qui parle de la guerre au Soudan, elle, la page Wikipédia, le nomme la 4e guerre civile au Soudan qui a débuté le 15 avril 2023. Alors pour comprendre un peu mieux la situation, on peut rappeler que l'histoire du Soudan, elle est jalonnée de révolutions civiles qui ont été systématiquement avortées par des coups d'État militaires. Les plus longues périodes de dictature militaire sont celles du général Aboud entre 1958 et 1964, puis du général Niméri entre 1969 et 1985, et enfin du général Omar el-Béchir de 1989 à 2019. 2019, du coup, date de cette révolution qui a renversé le pouvoir et qui est probablement documentée dans ce documentaire de Hind Medeb, qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Soudan, souviens-toi. Alors, le dernier pouvoir en place au Soudan, c'était celui de Omar el-Béchir pendant la modique somme de 30 années, quoi, de 1989 à 2019. Et cette révolution va bousculer le pouvoir, sauf que de nombreux officiers de l'ancien régime resteront dans l'armée, malgré que la population exige un gouvernement civil. C'est d'ailleurs une des revendications de l'occupation de la place Al-Qaïda en juin 2019 à Khartoum. Et ce rassemblement qui réclamait du coup une transition démocratique, quoi, qui réclamait un gouvernement civil, a priori, ce rassemblement sera sauvagement réprimé par l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, et feront une centaine de morts. Les Soudanais et Soudanaises avaient raison de se méfier des militaires et de réclamer un gouvernement civil, puisque les généraux à la tête des deux principales forces armées, donc l'armée et les forces de soutien rapide, feront un autre et dernier coup d'État en octobre 2021. Le général Al-Burhan prend la présidence du pays et s'octroie les pleins pouvoirs, et le général Dogolo prend la vice-présidence du pays. Donc encore un coup d'État qui vole la révolution, quoi. En fait, ces deux groupes militaires vont prendre les pleins pouvoirs, quoi. Et si on repart dans la page Wikipédia qui est consacrée à cette guerre au Soudan, on peut lire « Après avoir chassé les ministres civils du gouvernement, les deux putschistes se retrouvent en concurrence pour imposer leur suprématie politique et militaire, mais aussi économique sur le pays. » Alors que l'armée soudanaise s'accapare les 4/5 du budget de l'État, les FSR prennent le contrôle de plusieurs mines d'or au Soudan. Tiens, tiens. tandis que leur mission de mercenariat au Yémen au service de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite leur apporte une expérience militaire et une importante source de revenus. Selon l'analyste géopolitique Clément Molin, la situation politico-militaire au Soudan est alors comparable au piège de Thucydide, à savoir, à mesure que les FSR deviennent plus puissants, nombreux et mobiles, l'armée soudanaise, après avoir bénéficié de leur collaboration pour son coup d'État et la répression d'opposants, elle se sent menacée par une puissance rivale, en conséquence de quoi Abdel Fattah al-Burhan ordonne l'intégration des FSR dans l'armée soudanaise et donc pour qu'elle soit sous son commandement. Mais Mohamed Hamdan Dogolo refuse, s'il n'obtient pas une place dans l'état-major à la hauteur de son ambition. On sent que les deux personnes qui ont pris le pouvoir au Soudan sont en conflit pour le pouvoir, pour le garder pour eux tout seuls. Donc il y a des tensions entre les deux généraux et ces tensions aboutissent à une véritable guerre déclenchée à Khartoum le 15 avril 2023. Et depuis cette date-là, on compte plus de 150 000 morts et près de 11 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Bon, Wikipédia parle de guerre civile. Si on lit un article signé par une féministe soudanaise, un article titré « Nos corps ne sont pas des armes de guerre » par la militante féministe soudanaise Ala Al-Karib, qui est paru le 30 octobre 2024. Je vais vous lire le début de cet article. « Le Soudan est un pays de 45 millions de personnes. Le fait que le Soudan soit détruit par des brutes et des monstres est choquant et déconcertant. Mon pays fait face aux pires violations des droits humains et du droit humanitaire au monde. Pourtant, il demeure l'un des plus négligés. » Le monde n'a même pas essayé de comprendre ce qu'il s'y passe. Nous ne traversons pas une guerre civile au Soudan. Nous vivons une guerre par procuration. Des acteurs utilisent nos corps pour servir leurs propres intérêts. Il est terrifiant que cela puisse se passer si facilement, que des civils puissent être tués et brutalisés sans conséquence. Cette campagne de violence au Soudan n'est pas arrivée de nulle part, ce sont des années et des années d'impunité durant lesquelles des criminels ont été autorisés à perpétuer cette violence. Pendant presque deux décennies, le Darfour a été l'épicentre d'une violence génocidaire. La milice Janjaweed, soutenue par le gouvernement, y a terrorisé des communautés, ciblant spécifiquement les populations non arabes par des tueries de masse, des violences sexuelles et des déplacements de population. Les femmes du Darfour étaient en première ligne de la résistance, en s'élevant contre l'oppression systémique du régime. Nous, femmes et hommes soudanaises, avons réussi à faire tomber Béchir, le précédent dictateur, mais les risques étaient immenses. Voilà ce que je trouvais important de souligner, que si l'article de Wikipédia parle de guerre civile, finalement, cette personne, en tout cas, elle parle de guerre interposée avec deux forces armées différentes qui font la guerre et qui utilisent leur corps comme arme. Un autre article daté plus récent, celui-ci, daté du 24 avril 2025, donc il y a 10 jours, sur le site reporter.net, intitulé « Guerre au Soudan, comment les Émirats convoitent l'or et les terres agricoles ». Alors, jusque-là, on n'avait pas parlé des Émirats. Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte ? On va faire quelques petites citations de cet article. Les chiffres sont horrifiants. On compte 12 millions de déplacés et plus de 150 000 morts, d'après une estimation faite en 2024. Près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population, souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë, dont 8,5 millions en situation d'urgence ou de famine, selon les Nations Unies. Au cœur de cette guerre effroyable, les ressources naturelles du Soudan, en premier lieu son or et ses terres, suscitent l'intérêt d'acteurs puissants. Le pays, qui occupe une position stratégique sur la mer Rouge, est le troisième producteur d'or d'Afrique. Actuellement, les mines sont exploitées dans les zones sous contrôle des forces armées soudanaises, comme dans celles des FSR, Forces de Soutien Rapide. Donc les deux groupes armés qui se battent. Les bénéfices des ventes des deux groupes ennemis, qui avaient créé des sociétés de négoce d'or bien avant la guerre, leur permettent d'acheter des armes. Ce commerce profite aussi aux acheteurs et surtout aux Émirats Arabes Unis. Ces derniers sont connus pour être l'une des principales plaques tournantes internationales du commerce de ce métal précieux, et la première destination de l'or illégal africain, comme l'a montré l'ONG Swiss Aid. Dans la suite de l'article, on peut lire aussi que les terres agricoles sont convoitées par les Émirats Arabes Unis, qui achètent énormément de terres ou qui essayent d'en prendre le contrôle pour leur alimentation, quoi. Voilà. Dans le secteur des terres agricoles, les Émirats Arabes Unis, qui manquent de terres arables et doivent importer 90% de leurs denrées alimentaires, sont en première ligne. Comme les autres pays du Golfe, ils sécurisent leur approvisionnement depuis la crise alimentaire de 2008 en prenant le contrôle de grandes superficies de terres agricoles un peu partout dans le monde. Toujours au sujet du Soudan, on pourra lire un article, une succession d'articles en fait, ce sont 5 articles qui se suivent du journal France 24 où un journaliste a enquêté en fait pour retracer le parcours d'armes qu'on trouve à l'intérieur de ce conflit, à l'intérieur de cette guerre entre les forces armées soudanaises et le FSR, les forces de soutien rapide. Et ce sont 5 articles qui sont parus au courant du mois d'avril 2025. Le premier date du 17 avril. Armes européennes au Soudan, des obus bulgares au milieu du désert. Et en fait, en lisant les 5 articles, on se rend compte qu'ils ont essayé de retracer la provenance d'armes qui étaient montrées sur des vidéos de combattants, quoi. Et ils ont trouvé qu'en fait, il y avait des obus de mortier qui venaient de Bulgarie. Alors qu'il y a un embargo européen sur le Soudan pour ne pas livrer d'armes au Soudan en proie à cette guerre qu'on peut dire... On va pas dire que c'est une guerre civile, une guerre, quoi, en proie à une guerre. Et donc, ils retracent le parcours de ces obus et en fait, on se rend compte... Alors c'est digne d'un polar, quoi. On se rend compte que ce sont des obus vendus par une entreprise bulgare aux Émirats Arabes Unis qui sont passés par la Libye ou qui sont même pas arrivés jusqu'aux Émirats Arabes Unis, qui sont arrivés en Libye et qui ont été transportés par des mercenaires colombiens. Enfin, bon, c'est assez long à lire, mais par contre c'est très bien documenté. Donc on voit que finalement ce conflit, il nous paraît loin. Mais en fait, on voit que des armes européennes y prennent part et du coup contribuent à tuer des civils au Soudan, quoi. Et cette entreprise émirati, elle s'appelait International Golden Group, avant de se rebaptiser Edge. Et en fait, si on suit la trace de cette entreprise, on voit qu'en fait, elle, avec les Émirats Arabes Unis, ont acheté énormément d'armes européennes. On peut lire ceci. Juste avant son rachat, International Golden Group enchaînait les partenariats, notamment avec des entreprises françaises. Tiens. En février 2023, la compagnie Emirati avait ainsi créé une filiale conjointe avec le spécialiste de la défense français, Safran. Le but, selon Safran, développer des technologies de navigation et d'optique militaire pour combler les besoins du ministère émirati de la Défense et d'autres organisations régionales. En février 2023, toujours la société Nexter, tiens, aujourd'hui c'est KNDS France, détenue à 50% par l'État français et fabriquant le char Leclerc, avait également fait affaire avec International Golden Group. L'objectif cette fois était de moderniser les chars Leclerc de l'armée émirati pour assurer sa supériorité sur le terrain pour les 30 prochaines années, avait commenté le groupe. Un partenariat plus ancien qui date lui de 2009 lierait également l'entreprise émirati avec le groupe français Thales, spécialisé dans l'aérospatiale et la défense. Initialement destiné à assurer la protection des infrastructures critiques, notamment celles liées à l'exploitation des ressources de pétrole et de gaz aux Émirats Arabes Unis, ce partenariat se serait doublé en 2017 d'un accord de coopération avec Thales Optronic, une des filiales du groupe français. Voilà, du coup on apprend que International Golden Group a signé 6 accords de coopération dans le domaine de la fourniture de systèmes de défense avec des entreprises internationales, dont Thales Optronics. Si on va plus loin dans l'article, on apprend aussi que l'Espagnol Indra ou l'Italien Leonardo, à l'occasion de l'édition 2025 du salon IDEX qui s'est tenu à Abu Dhabi en février 2025, un nombre important d'autres grands groupes de défense européens concluent des accords avec International Golden Group ou sa nouvelle maison mère, Edge Group. Voilà. Donc ça, ce sont pour les entreprises françaises, mais ce n'est pas tout. L'ONG Amnesty International a publié en novembre 2024 une étude selon laquelle des blindés qui auraient servi au FSR, donc au Soudan, là on est retourné au Soudan, auraient été munis de systèmes de défense pour véhicules militaires fabriqués par KNDS, Nexter France, quoi, et exportés par La Croix des France, deux entreprises françaises. Du coup, d'après Amnesty, on peut supposer que ces entreprises, elles ont indirectement, d'ailleurs ils s'en défendent, hein, ils ont fait un communiqué pour dire que eux, ils ont exporté aux Émirats Arabes Unis et pas au Soudan, mais du coup indirectement par le jeu des exportations successives ou du soutien, hein, non officiel à un groupe armé. En fait, ces outils seulement défensifs, hein, nous préciserons la Croix Défense et KNDS, serviront aux forces de soutien rapide, qui est un des groupes militaires qui fait la guerre à l'autre, quoi, au Soudan. Donc on rappelle 150 000 morts et 12 millions de déplacés, quoi. Et ben, on va passer un petit morceau de rap soudanais, même, et même deux, pour faire une petite pause musicale. Cycles a motherfucking beat. بكتب في شنو انا بكتب سايب شايل همومي وبعافر فيها براي بسأل كتير يا عزة هل قصرنا هل في يوم خزلنا ولا ندائك اتأخرنا ألوم الوضع عليه وانت الملام بلد بتربي طفالة كيف يشوفوا طيف أحزانة تلمع عيون ملانة فاقدة لما في حيشانة الساكنين جنجة وبيطانوا في حشانة الحالة صعبة الناس دي ملت خرطوم نهي الترب أرض المقدس مطمئنت إيدين بتترفع طالبة من ربها الأطف حالة تسمعني عزة وغزة تحت القصر وانا واقف وشايف ما شايف لينه بس واقف ما خايف اني اقول الكلمة يا عزة كم هنتي بس شعبك صابور يا غزة حرقوا الدار حرقوا الرسمة أطفال بيبكوا من الصوت عيونهم حي يزورك موت غريب الوطن هو المتمل سيد الأرض هو البيمون والله بحبك ليه كرهاني ليه طرداني ليه في وطني ومكاني حاسب يا آدم أماني أماني صغيرة بس بتتشاف طشات أماني صغيرة عالقراية مالك بس ما كنت منجا سحرك مدفون في تراب دستورك حكم طلقة تتوجه لأحبابي C'est un rappeur qui s'appelle Psycho et qui chante la chanson Aza and Gaza, venu du Soudan. Et ça servait pour clore ce petit chapitre en guise d'introduction, peut-être à une soirée où vous en apprendrez plus, dont je parlais tout à l'heure, qui se déroulera le 23 mai, le vendredi 23 mai à 19h, à l'atelier des canulars, intitulé « Soudan et République démocratique du Congo, deux guerres de pillage génocidaire ignorées, à qui profite l'indifférence ?» Alors dans le portrait que j'ai décidé de faire de la guerre au Soudan, et ça m'arrive souvent... Du coup, de voir un peu les intérêts économiques qu'il peut y avoir autour de chez nous, quoi. Du coup, on a parlé de Safran, de KNDS, de Thales aussi, qui font leurs affaires à l'occasion de multiples conflits dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils exportent des armes, hein. La France est le deuxième exportateur d'armes au monde, derrière les États-Unis, qui sont bien loin, loin devant. Et je vous avais dit qu'il fallait prendre vos stylos et vos agendas. Donc, vous avez noté la date du 23 mai à Lyon. tant qu'on est à Lyon, on peut rajouter une autre date qui est avant, c'est le jeudi 15 mai. Il semble qu'il y a un colloque le 14 et le 15 mai à l'ENS de Lyon, l'École Normale Supérieure de Lyon, au 15 parvis René Descartes, dans le 7e aussi. Et là, sur le site obsarm.info, on peut lire qu'il y aura une conférence qui s'appelle « Objecter dans le monde urbain et dans le monde rural ». Table ronde, la crise antimilitariste après mai 68 dans le cadre du colloque « Parole de réfractaire, refuser les institutions militaires, 19e, 20e siècle » avec Dominique Arrivé, ancien objecteur de conscience, Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements et ancien objecteur de conscience, et Jean-Luc Denis, membre d'Objection en monde rural et aussi ancien objecteur de conscience. Donc ça semble tout à fait trouvé comme invité, pour les invités à un colloque qui s'appelle « Parole de réfractaire, refuser les institutions militaires » qui se déroulera les 14 et les 15 mai, et cette conférence en particulier sera le jeudi 15 mai de 15h30 à 16h30 à l'ENS de Lyon, 15 parvis René Descartes. Si on avance dans le temps, peut-être que le 8 mai, c'est-à-dire demain, il y aura probablement des commémorations ici ou ailleurs des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. J'ai pas réussi à trouver d'infos publiques, alors je sais pas si on aura sur Saint-Et, mais checkez vos agendas aussi. Et voilà, on se rapproche doucement de Saint-Et. À Saint-Et, ce sont les 24 et 25 mai qu'on trouve un événement qui s'appelle Rencontre antimilitariste, 24 et 25 mai, sur le site lenumero0.info. Alors, le numéro 0.info nous dit ceci. Je vais vous lire l'appel, il va être un peu long, alors j'ai qu'à mettre une musique de fond, comme ça. Le 10 novembre dernier, à Saint-Étienne, une première journée de rencontres antimilitaristes alertée sur l'instauration encore relativement silencieuse d'un état de guerre en France, détaillant ses discours, dispositifs d'embrigadement, infrastructures et cadre légal. Depuis, les choses se sont accélérées. Le récent retournement géopolitique a ajouté de nouvelles marches à l'escalator de la violence guerrière. La militarisation suit désormais le style décomplexé de Donald Trump, réélu à la tête des États-Unis, et qui n'hésite pas à faire tomber le masque. Sa tentative de négocier avec Poutine le partage des ressources minières et des centrales nucléaires de l'Ukraine lui fait remettre en cause le soutien à ses alliés de l'OTAN, qui ont par ailleurs, selon lui, ne dépensent pas assez pour leur défense. À cette version musclée de négociations commerciales, les armes européennes proviennent aux deux tiers des États-Unis, l'Union européenne répond, et vous l'avez vu dans les titres, en jouant les gros bras à son tour et clame son ambition d'indépendance pour soutenir, par son réarmement, sa propre économie. Les 800 milliards d'euros sur 5 ans qu'elle débloque à cette fin ont de quoi donner un sérieux coup de pouce à ses industries en stimulant la sacro-sainte concurrence qui commençait, favorise les plus forts. Les valeurs boursières de Thales et de Dassault ont déjà grimpé de 60% en quelques mois. En France, les stratèges se frottent les mains. Devenue deuxième exportatrice d'armes, la base industrielle et technologique de la défense française compte plus encore que toutes les autres profiter de cette aubaine. Les subventions coulent à flot, la production de poudre et d'explosifs tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les marchands de canons débouchent le champagne. Pour justifier cette surenchère, l'État français redouble d'efforts d'embrigadement pour cultiver l'esprit de défense de sa population et n'hésite pas à ajouter vraiment de l'huile sur le feu pour rendre son discours crédible. Et pendant qu'en Ukraine, en Palestine, en Russie, au Yémen, au Congo, au Soudan et ailleurs, des millions de personnes meurent sous les bombes, dans les tranchées ou en cherchant à prendre la tangente, ici, tous les partis politiques, de concert avec les industriels, cherchent à qui mieux à tirer leur épingle du jeu pour racoler le client et non plus que les mots patriotisme et souveraineté à la bouche. Face à cet innommable cynisme et à l'angoisse d'une perspective de guerre à nos portes, l'antimilitarisme redevient un sujet militant d'importance. Alors que depuis la fin du service militaire, le refus de la guerre et de l'armée était passé au second plan des luttes sociales, voilà que les groupuscules antimilitaristes intéressent de nouveau les services de renseignement et que les politiciens des soulèvements de la terre, qui ont pour fâcheuse tendance de se saisir de tout domaine où ça commence à bouger, font de la guerre un nouveau « front », entre guillemets, pour du futur spectacle de masse. Mais justement, parce que tout se précipite et s'emballe, parce que les annonces va-t-en-guerre de l'État font souffler un vent de panique toujours plus fort, nous voulons essayer de ne pas faire les choses dans l'urgence. Parce que nous sommes convaincus que se rencontrer autour de ces questions vaut mieux que l'atomisation des soirées angoissantes passées devant Insta ou le journal télévisé, nous proposons à toutes celles qui en ressentent le besoin et l'envie de prendre 2 jours pour discuter, échanger, réfléchir. Parce que nous avons encore le luxe de pouvoir le faire. Parce que même si de plus en plus de personnes se sentent concernées, il reste toujours bien difficile d'oser porter le discours antimilitariste au-delà de nos petits cercles. Parce que nous avons besoin d'étayer nos arguments, nos raisons et nos leviers. Parce que nous n'avons pas fini de subir la propagande guerrière et qu'il n'est jamais de trop de mettre en lumière les relais et l'infamie de son discours. Parce que reprendre le chemin des luttes antimilitaristes, c'est relier et relire des années d'histoire de lutte, mais aussi savoir ce qui se passe ailleurs, aujourd'hui même, et créer des liens. Parce que confronter ouvertement nos idées nous paraît plus que jamais nécessaire pour enrayer l'engrenage de la guerre de toutes contre toutes. Et peut-être aussi parce que même à contre-courant, nous croyons qu'il est toujours possible d'inverser le cours des choses. Car si nous acceptions le meurtre de masse, la violence institutionnalisée et les nationalismes fétides comme inéluctables, ils auraient déjà gagné. L'appel se termine par rendez-vous les 24 et le 25 mai à Saint-Étienne pour 2 journées de discussion. Et je vais vous lire le programme. Donc on a pu noter, si ça vous intéresse, vous avez pu noter ces 2 jours-là, c'est à Saint-Étienne. Et ça commence le samedi 24 mai à 11h. Rendez-vous à l'angle de la place Carnot et de la rue Ampère pour une contre-visite de la manufacture d'armes de Saint-É, aussi appelée Cité du Design. Ce sera une balade commentée suivie d'un pique-nique tiré du sac, ramène tes provisions. Puis, le reste du week-end se déroulera à la MJC des Tilleuls, 8 rue du Pavillon Chinois, en commençant à 14h par la présentation de ces 2 jours, une discussion à base de la brochure « La guerre se fabrique », notamment un « Qui suis-je » autour de l'industrie de la mort dans la Loire, un focus sur l'économie duale dans la région, suivi d'ateliers sur ce qu'on peut faire de tout ça. À 17h, une discussion qui s'appelle « Expérience et perspectives de lutte », discussion ouverte avec des antimilitaristes d'ici et d'ailleurs, une petite bouffe à 20h suivie d'un karaoké et peut-être d'autres surprises à 21h. Ça, c'est pour la journée du samedi. La journée du dimanche, elle, s'ouvrira à 10h30, toujours à l'armée, à la MJC des Tilleuls, 8 rue du Pavillon Chinois, et sera intitulée, un petit exposé intitulé « Armée, jeunesse, infiltrer, séduire, recruter ». Au-delà de l'éphémère SNU, comment s'opère progressivement et par différents biais une militarisation de la jeunesse ? Suivi d'une bouffe et ensuite de 2 autres événements. À 14h, un jeu de rôle pour répondre à la question, celle-là elle est difficile, répondre à la question « Qu'est-ce que je dis à mon daron, ou mon collègue, ou ma covoitureuse qui me sort « Mais que veux-tu, faut bien qu'on se défende. Poutine c'est un fou, on doit faire quelque chose, on doit être armé pour dissuader les autres de nous attaquer. » Et autres pensifs militaristes. Alors là, ça va être compliqué. Suivi à 17h, si on a encore le courage, d'une discussion autour de la désertion avec Olga Taratuta, mais qui a été empêchée, et aussi Guy Dechesne, qui lui sera là autour de ses chroniques sur les réfractaires de la guerre Russie-Ukraine. On l'avait déjà invité, Guy Dechesne, dans une émission ici, et on avait parlé de son dernier bouquin, justement, sur les réfractaires à la guerre. Et enfin, une clôture des 2 jours, une petite bouffe à 20h pour se quitter. Et pendant tout le week-end, un infokiosque, une salle d'écoute de podcast, un arpentage de presse internationale autour des luttes antimilitaristes de par le monde, des affiches et autres arts plastiques. L'entrée sera sur adhésion prix libre et les bouffes seront prix libre. Voilà, donc le rendez-vous du 24 mai et du 25 mai à Saint-Étienne. On peut retrouver tout le détail et l'appel que je viens de lire sur lenumero0.info et le titre de cet article s'appelle « Rencontre antimilitariste 24 et 25 mai ». Voilà, et ben on est revenu à Saint-Étienne avec ce programme. On va s'éloigner un petit peu, on va aller à Montluçon pour les actualités de l'industrie de la mort aussi. C'est à Montluçon, dans l'Allier, que Le Monde, daté de hier, titre « À Montluçon, Safran profite du nouvel âge d'or de la défense. Quelques 1200 kits de propulsion et de guidage des bombes AASM pour armement air-sol modulaire sortiront cette année de l'usine Safran à Montluçon dans l'Allier. 400 de plus qu'en 2024. Et oui, c'est un succès pour lequel ces bombes intelligentes du Rafale, pour lequel ces bombes intelligentes de 250 et 1000 kilos sont initialement prévues, qui a permis de maintenir en vie l'activité de l'usine. Et avec la guerre en Ukraine, la production s'est envolée. Elle a quadruplé depuis 2022. C'est un article hyper optimiste, hein, qui parle de bombes intelligentes, voilà. Safran est au rendez-vous de l'économie de guerre, affirme le président de Safran. En 2024, 271 personnes ont été recrutées et 200 embauches supplémentaires sont prévues cette année, ce qui ne se fait pas sans difficulté pour certains postes. On ratisse sur un rayon d'une centaine de kilomètres en allant jusqu'à faire des présentations dans les bars et on recrute sans CV en regardant uniquement les aptitudes des candidats. Voilà. Comme quoi, cette formidable opportunité de la guerre fait, comme ils disent dans leur appel, fait déboucher le champagne chez les industriels. Alors c'est AASM, ces bombes intelligentes, ça a l'air d'être super, hein, du coup, 250 ou 1000 kilos de bombes, une seule bombe, pardon, fait 250 ou 1000 kilos, ça a l'air d'être génial. Si on continue un peu dans les actualités industrielles, donc il y a plusieurs articles qui nous parlent de Safran. Safran, donc, comme on dit, qui vend aussi du matériel aux Émirats Arabes Unis, hein. Et un autre article, celui-ci, je pense que c'est l'usine nouvelle qui nous le fournit. Ouais, l'usine nouvelle de avant-hier, du lundi 5 mai, qui, lui, nous parle des robots terrestres. Il nous parle de Nexter aussi, encore une entreprise dont on en parlait quand on parlait du Soudan. Eh ben, KNDS, ou Nexter, de son ancien nom, travaille sur l'autonomie de tir de ces robots de combat. Eh oui, citation, « On veut s'assurer que le robot tire où il faut, quand il faut et comme il faut », expliquons encore. KNDS met en place, techniquement et de manière encadrée, la délégation de tir, soit la capacité pour un soldat de donner à un robot un horizon de temps ainsi qu'une zone de ciblage dans lesquelles la machine aurait l'autorisation d'engager le tir automatiquement. La décision de recourir ou non à cette capacité appartient bien sûr aux utilisateurs, souligne l'industriel européen de défense. Du coup, c'est pas de la science-fiction, hein, on est vraiment en train de construire des robots qui seraient capables de décider, si on les autorise, de décider s'ils tirent ou pas, quoi. La délégation de tir par le robot. Et ça en ébahit plus d'un, à tel point que Science et Avenir aussi, ce magazine scientifique totalement neutre, dans le numéro de mai 2025, toujours, nous dit ceci, hein, nous dit, alors il nous délivre le nom du robot, c'est le Centurio X20, donc un engin de près de 3 tonnes équipé d'une mitrailleuse de 20 mm, voire 30 mm, qui serait ce robot qui peut tirer, quoi. Et le prototype autonome Centurio X20, doté d'une mitrailleuse de 20 mm, sera bientôt testé en Ukraine. Parce que, on peut souligner le cynisme de ces industriels, en fait, qui effectivement testent, comme en Palestine, on pouvait le voir dans le documentaire j'ai oublié son nom, testent leurs armements, quoi, pour pouvoir mieux les vendre par la suite. On pourrait dire que c'est testé et approuvé en usage réel, quoi. Alors, puisqu'on parlait des bombes intelligentes, j'avais envie de vous lire un petit poème qui parle de Brest. Alors, pourquoi on parle de Brest? On a parlé du bombardement de Saint-Étienne le 26 mai 44. En fait, dans les années 40, Brest a été bombardé 165 fois par les Alliés. Et ces bombardements ont fait 965 morts et 740 blessés, donc dans les années 40. Et c'est Prévert, je crois, qui a fait un petit poème qu'on m'a transmis, qui s'appelle Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais. Et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. On est allé à Brest. On est allé à Brest bombardé dans les années 40 par 165 bombardements. Et j'avais oublié de revenir à Saint-Étienne pour se quitter. On va se quitter quand même en parlant de l'actualité stéphanoise, parce que lundi dernier, c'était le dernier jour pour déposer votre dossier si vous aviez envie de racheter Vernet-Caron. Lundi dernier à 16h, dernière minute pour racheter Vernet-Caron. Et parmi les repreneurs potentiels, vous l'avez deviné, il y a cette entreprise qui n'arrête pas de racheter d'autres petites boîtes. Hein. Il s'agit, si on a bien suivi, il s'agit de Rivolier. Rivolier qui est volontaire pour racheter Vernet-Caron. Et j'essaye de meubler pour trouver l'article qui en parle. Je vais en parler de mémoire. Rivolier, c'est cette entreprise de Saint-Just-Saint-Rambert qui avait déjà racheté MDTech, une entreprise qui collaborait avec la police scientifique. Très récemment, elle a racheté Hexadrone, une entreprise qui faisait des drones à la fois civils et militaires. Et bah voilà, elle est en lice pour racheter Vernet-Caron, qui était en difficulté, on le rappelle, tous les partis politiques de concert avaient envie, besoin de soutenir ce fleuron de l'industrie stéphanoise qui fabrique des flashballs, hein, on le rappelle. D'ailleurs, c'est assez cocasse puisque la CGT aussi défendait et défend toujours la sauvegarde de cette entreprise. Mais on retrouve dans les affiches de la CGT, Infocom par exemple, cette affiche un peu sympa avec une image de Darmanin. Et en dessous, il y a écrit « I love manifestants ». Darmanin aime beaucoup les manifestants, surtout quand il est équipé d'un flashball qu'on voit aussi sur l'affiche. Il est tellement bien représenté qu'on voit aussi sur le flashball la signature Vernet-Caron, puisqu'il a été produit par cette entreprise. Donc la CGT veut soutenir uniquement les travailleurs, mais par là même, on ne sait pas trop si elle défend la fabrication de flashball, quoi. Peut-être que, comme je le disais la dernière fois, si les travailleurs ont envie de fabriquer des clés à molette, peut-être ce sera plus utile aux humains que de faire des flashballs. Alors j'ai retrouvé l'article dont je voulais parler. Il s'agit d'un article édité par le Journal des entreprises qui date d'hier, le mardi 6 mai, et qui est titré « Le distributeur Rivolier, candidat à la reprise de l'armurier Vernet-Caron ». Les candidats à la reprise de l'armurier stéphanois Vernet-Caron avaient jusqu'à ce lundi 5 mai 16h pour déposer leur offre. Parmi eux, parmi les candidats, se trouve le distributeur d'armes ligérien Rivolier, qui a constitué un tandem avec le tchèque RSBC. Le groupe ligérien s'est allié au Family Office tchèque RSBC, qui avait racheté en 2017 le fabricant slovène d'armes de petit calibre Arex, et l'Autrichien Steyr en 2024. Au sein de ce tandem, Rivolié devrait être majoritaire à hauteur de 65%. Conserver un savoir-faire français, qui plus est dans la Loire, est un des points que nous défendons dans le dossier que nous avons déposé auprès de l'administrateur judiciaire, estime son PDG. Il nous dira aussi que Rivolié croit toujours au potentiel de la marque Vernet 40, tant sur la chasse que sur les armes sublétales, citation toujours du PDG. Nous avons des contrats en cours avec le ministère de l'Intérieur et un certain nombre de polices municipales et encore bien d'autres projets de marché dans les tuyaux. L'offre de reprise sera étudiée par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 28 mai, au même titre que l'ensemble des autres offres qui seront déposées, du coup, qui ont été déposées le 5 mai à 16h, quoi. Voilà, on sait qu'ils sont 4 en lice, je crois, à l'étude, et du coup, c'est le tribunal de commerce qui nous dira le 28 mai qu'est-ce qu'il en sera de l'entreprise Vernet 40 et, par exemple, des contrats que Rivolié a en cours avec le ministère de l'Intérieur, des polices municipales et encore plein d'autres projets. Ben voilà, on a fait un petit tour d'horizon de nos agendas. Du coup, je rappelle les dates. Peut-être le 23 mai à l'atelier des Canulars à Lyon, une rencontre sur le Soudan, la République démocratique du Congo et une guerre de multiples intérêts avec l'extractivisme en prime. Le 23 mai à l'atelier des Canulars. Le 15 mai à l'ENS de Lyon, une conférence sur les réfractaires à l'armée. Et le week-end du 24 et 25 mai à Saint-Étienne, des rencontres consacrées à l'antimilitarisme, du coup avec plein de thèmes différents. L'embrigadement, l'armement, l'industrie de l'armement, et la désertion et aussi le discours qu'on peut entendre, le discours militariste et de voir qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, encore une occasion de réfléchir. On va se quitter à 17h28, bah, peut-être par un autre morceau de rap soudanais et en se disant à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Ah, sahbi. يا حليل زمن نميري زمن الواحد كان ما في ذاته النص الشرد النص التاني ماتوا ساب البلد ذكرياته وحاجاته وصيت الحاج ادعي ليا في صلاته قتلوا بلدنا قسموا الورثة حلفوا غسم يدين والنجسة بلدنا طار الله حرسة زح من شارع دبارات شرسة دوشكا مدورة جوا الحلة ديمقراطية جوا الفيلا اقتل انهب اسرق بلا والدبوك قتال تكسلة وقل الرئيس جوا بدرومه قلت الحق الناس حيلوم فك لحمدي وفك للكاكي فك لليوم الخلاك باكي جاي طو مقلوبة فجر الخلاص وكسوبة جرنا سيبنا دروبة الناس دي مرقت مغصوبة وكانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني نقا داير نوم في الحوش داير اشرب من الزير نقا داير اكل بوشقا شفي شارع النيل بس كويت رويال سافرنا وسبنا الديار ما كان في اليد خيار لكن ربك اختار بس نفدو قار في الحفلة الشماعة هنا ما بتموت براك بموت ومعاك الجماعة دي البلد يا صاحبي فتحت اتعلمت احبي يا مطر اصبي وغسل الجروح دي وكانت ايام يا وطني زي الاحلام يا وطني كانت ايام يا وطني زي الاحلام يا وطني فك للرئيس جوا بدرومه فك للرئيس جوا بدرومه قلت الحق الناس حيلومه قلت الحق الناس حيلومه فك لحمدتي وفك للكاكي فك لحمدتي وفك للكاكي فك لليوم الخلاك باكي فك لليوم الخلاك باكي فك للرئيس جوا بدرومه فك للرئيس جوا بدرومه قلت الحق الناس حيلومه قلت الحق الناس حيلومه فك لحمدتي وفك للكاكي فك لحمدتي وفك للكاكي فك لليوم الخلاك باكي فك لليوم الخلاك باكي يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني.